chaos s'installe, rust en feu, c'est la guerre totale. Les caisses explosent, les balles sifflent, Riders qui l'observe, le stress s'installe. Les ennemis foncent, la tension grimpe, le loot échauffe, faut pas qu'on...